Chapitre 22. Le bon conseil. Allah Ta'ala dit: les croyants ne sont que des frères. Sourate 49, verset 10. Et je vous donne conseil sincère. Sourate 7, verset 62. Et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Sourate 7, verset 68. 181. Selon Abu Ruqayya, Tamim ibn Aous ad-Dari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le fondement de la religion, c'est la sincérité et le bon conseil. Nous avons dit: envers qui? Il alayhi salatu wassalam répondit: envers Allah, envers son livre, envers son messager et envers les chefs et le commun des musulmans. Muslim. 182. Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit: j'ai fait serment au messager d'Allah alayhi salatu wassalam d'accomplir la salat, de m'acquitter de la zakat et d'être sincère envers tout musulman. Al-Bukhari et Muslim. 183. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: vous ne serez vraiment croyant que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Al-Bukhari et Muslim. 184.